C'est un génocide, un putain de projet morbide. J't'ai fourré comme dans Metroid. Je suis agent et l'odeur du bédon guide. Cousin, tu es monté trop vite, la redescente sera horrible. Cousin, tu es monté trop vite, la redescente sera horrible. C'est un génocide, un putain de projet morbide. J't'ai fourré comme dans Metroid. Je suis agent et l'odeur du bédon guide. Cousin, tu es monté trop vite, la redescente sera horrible. Cousin, tu es monté trop vite, la redescente sera horrible. En vrai j'ai grossi, en plus j'ai trop de rides. Je vois clairé dans le viseur génocide. Je vous gêne aussi, c'est un génocide. Dans vos yeux je vous envoie des génocides. Mec on est trop vif et on zépau vite. On accomplit nos tâches comme des droïdes. Si tu es coquine, ramène tes copines. Et dans la chambre d'hôtel c'est horrible. Je vois des sosies prendre des stéroïdes. Ils vont s'écraser comme un astéroïde. Que des morceaux vides, ils font des gros bits. Je vous divertirai même après le Covid. Éduquer nos fils, protéger nos filles. Ou attendre que leurs cheveux se perdent. Voilà. Démarre les bolides, jamais je négocie. J'ai plus envie de recevoir tes notifs. C'est un génocide, un putain de projet morbide. J't'ai fourré comme dans Metroid. Je suis agent et l'odeur du bédon guide. Cousin, tu es monté trop vite, la redescente sera horrible. Cousin, tu es monté trop vite, la redescente sera horrible. Un capot de génocide, tu sais que j'aime aussi. Mais ce qu'on va générer, c'est mieux que les généraux. La frappe est générale et quand y'a les gyros, c'est géré, y'a gérant. Je vais rentrer ma bite dans le pain, sœur habite dans le train, c'est le plaisir qu'on paye. Hey, appelle-moi Eric Cantona dans les rues de Compton, que des rimes sur le palais. Ray près de Paname, donc je suis dans les parages. J'envoie la purée, donc ça devient anal. Elle veut le faire et oui, je dirais pas non. Elle veut le faire et oui, je dirais pas non. Hey, bébé, j'ai mis le gant. Bébé, j'ai bu le miel. Direct, j'arrache mon chinier. Je suis dans les temps, je fais pas de sport, mais je suis dans l'effort. Ratatatata, billets, la mécao. Sur son boutier, je tape fort, je fais les pao. On le fait sur du taïk ou du LMFAO. Elle vaille, wow, wow. Après le Covid, voilà, j'ai nos aussi. J'arrive avec des capotes aussi. Je vais tous les niquer, toi et toi aussi. Coup de poing pour le cri. J'ai le gun, je dégaine, je dégomme. Trop vif, comme vie, comme école. La bibi, à bibi, le béton. J'ai des bobos, ça bégaye, laisse béton. Plein de félonies, plein de putains de calomnies. J'ai coupé leur tête pour Halloween. La pure dans le colis, équipe solide. C'est un génocide, un putain de projet morbide. J't'ai fourré comme dans Metroid. Je suis agent et l'odeur du bédon guide. Cousin, tu es monté trop vite, la redescente sera horrible. Cousin, tu es monté trop vite, la redescente sera encore horrible. Encore un morceau, encore une dinguerie. Encore un full black, t'es Max et Becky. On sait pas t'es qui, shooter en Air Max. Shooter en 4 temps et ça va faire mal. Encore le Hazy, encore les barrettes. Contrat 6 chiffres, génocide j'arrête. Addict au bédo, elle veut plus barrer. Addict au elle veut plus marier. KPOT, arracher des prods, tu OP. Un feat qui provoque des OD. Et nous c'est le 7, le petit il est chargé en D. Le petit il est chargé en D. Argent pas facile, midi minuit j'vends la résine. Que ma poche car les deux puettes font perdre la raison. 70 palos les scores, nique sa mère, je peux fermer les bras et cracher sur son front. C'est un génocide, putain. Blanc, j't'ai fourré comme dans Metroid. Piou. Sus, pute. Cousin, tu es monté trop vite. La redescente sera horrible.